Ashley que vous êtes là, madame. Elle n'est pas encore descendue? Non, madame. Madame est dans son bain. Oh, demandez-lui si je peux monter. Il faut que je la voie tout de suite. Oh, mais madame... Dites-lui que je suis bouleversée. Ah, vraiment, madame? Vous êtes au courant, naturellement. Oh, naturellement, madame. C'est la cuisinière qui l'a vue la première. Oui, elle feuillait toujours le Times avant que je le montre. Est-ce que madame a été très surprise? Elle n'a pas dit un mot. Elle ne pouvait pas détacher ses yeux de l'annonce. Je l'ai dit à la cuisinière. J'ai cru que les yeux allaient lui tomber de la tête. Bon, il faut que je la voie tout de suite. Je vais vous annoncer, madame. Oui? Non, mademoiselle, c'est la femme de chambre de Mrs. Ashley qui parle. C'est Miss Fulton. Oh, donnez-la moi. Je crois que je sais ce qu'elle veut. Ah. Allez dire à madame que je suis là. Oh, tout de suite, madame. Allô, Maud? Maud, c'est moi, Isabelle. Je t'ai déjà téléphoné ce matin. Non. Non, je n'ai pas encore vu Caroline. Alors, je ne sais rien de plus que toi, ma chérie. Mais... Allô? Mais c'est sûrement vrai. Après tout, c'est dans le Times. Mais pourquoi ne viendrais-tu pas ici immédiatement? Non, non, je serai encore là. Je t'attends. À tout de suite. Mr. Cunningham. Mrs. Strange. Oh, comment allez-vous? Madame Mrs. Ashley descend tout de suite. Très bien, merci. Elle m'avait promis d'être exacte. Exacte ou pourquoi? J'ai une nouvelle voiture de sport. Je dois l'emmener faire un tour du côté du Richmond Park. Et quand avez-vous décidé cette promenade? Hier soir. Ah, ainsi vous n'êtes pas au courant de la nouvelle? Quelle nouvelle? On vient d'annoncer dans le Times de ce matin la mort de Stephen Ashley. Saperlipopette! Dois-je présenter mes condoléances à Caroline ou la féliciter? Vous l'appelez déjà, Caroline? Vous ne saviez pas? Oh, passons. Elle n'avait pas vu son mari depuis 10 ans. On ne peut donc pas s'attendre à la trouver très peinée. Mais je ne trouve pas le moment rêvé pour une promenade dans votre nouvelle automobile. Et pourquoi pas? Il peut avoir autre chose à faire. Son mari était une brute, n'est-ce pas? C'est rien de lui. Caroline n'en parlait jamais. Je lui ai demandé une fois s'il la maltraitait. Elle m'a répondu non. Il avait des végétations. Vous semblez être en terme assez intime avec Caroline. Vous désapprouvez? Vous ne savez pas que Caroline et Robert Oldham sont follement amoureux l'un de l'autre. Au point que leur profonde affection réciproque est arrivée à me donner une nouvelle foi en la nature humaine. Ils ont attendu 10 ans. Aujourd'hui, enfin, Caroline est libre. Et voici l'aboutissement heureux d'un conte de... Saperlipopette! Et vous en concluez qu'il ne me reste plus qu'à disparaître. Oh, Robert sera là d'un moment à l'autre. Je me faisais une si grande joie de cette promenade en automobile. Vous êtes amoureux de Caroline? Désespérément! Oh, je suis désolée, mais il faut vous raisonner. Essayez de l'oublier. Jamais je n'y arriverai. Oh, enfin, vous étiez au courant de l'existence de Robert. Enfin, il a 45 ans, on n'est pas amoureux à cet âge-là. Oh. Caroline ne devait pas vous permettre de venir ici. Non. Elle aurait dû se rendre compte de la passion que vous aviez pour elle. Mais elle ne m'a jamais caché qu'elle avait une passion pour Robert Oldham. Oh, vous êtes affreusement malheureux, n'est-ce pas? Affreusement? Oh. Croyez-vous que j'ai encore une petite chance? Oh, je serais cruelle de vous laisser le moindre espoir. Aucune. Saperlipopette! Vous devriez partir maintenant. Bon. Si vous pensez que cela vaut mieux. Vous avez été très bonne pour moi. Très compréhensive. J'ai du cœur et vous m'avez touchée. Je peux vous appeler Isabelle? C'est moi qui vous le demande. Je suis tellement sentimentale. L'amour m'émeut toujours. Adieu. Oh, je t'ai fait attendre. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé monter? Je ne veux pas qu'on me voie, donc je ne sois coiffée. Oh. Où est Rex? De ma fenêtre, j'ai aperçu sa voiture. Je l'ai renvoyée. Mon Dieu, pourquoi? Tu ne sais pas qu'il est follement amoureux de toi? Mais oui, bien sûr. Il t'a déjà déclaré son amour. Il ne m'a jamais parlé d'autre chose. C'est très agréable, d'ailleurs. Ma chérie, tu es d'une légèreté. Tu penses que je devrais le prendre au sérieux? Évidemment, il est très jeune. Il ne pense pas la moitié de ce qu'il dit. Si même il n'en pense qu'un quart, c'est déjà beau. Et tu crois qu'il veut t'épouser? Je ne sais pas, mais m'enlever, sûrement. Allons, Caroline, ne sois pas exaspérante. Ce n'est pas pour te parler de Rex que je suis venue ce matin. Ah, tu l'appelles déjà Rex? Il vient de mon privé. Oh, pardon. Oh, allons, Caroline, sois sérieuse. Ce matin, je lisais le Times, la colonne des décès, quand tout à coup, j'ai aperçu son nom. Je n'en croisais pas mes yeux. Moi non plus. Le 21 du mois dernier, à l'hôpital de Nairobi, Stephen Ashley, fils de William Ashley, âgé de 48 ans. C'est sûrement vrai, tous les détails y sont. Oui, mais attention, Stephen avait un sens de l'humour assez particulier. C'est la deuxième ou troisième fois qu'on annonce sa mort. Mais je dois dire que cela n'avait jamais atteint la colonne nécrologique du Times. Mais y a-t-il un moyen de vérifier? J'ai téléphoné à mon notaire, il a câblé à Nairobi. J'ai l'impression que cette fois-ci, la nouvelle est vraie. Est-ce que tu vas porter le deuil? Bon, je ne vois pas pourquoi. Sauf si tu crois que le noir te va. Après tout, je n'en ai plus de nouvelles depuis 10 ans. Tu n'as jamais dit exactement pourquoi vous vous étiez séparés. Il avait des végétations. Tu es la personne la plus discrète que je connais. Je me suis arrangée pour ne jamais parler de ses défauts alors qu'il était vivant. Maintenant qu'il est mort, j'aimerais rester aussi discrète. Toute cette mauvaise période, ma chérie, est terminée. L'avenir pour toi, c'est le bonheur. Épouse Robert le plus vite possible. Dieu sait que vous avez attendu assez longtemps. 10 ans. Tu n'es pas heureuse maintenant de n'avoir plus rien à te reprocher? Qu'en sais-tu? À Londres, l'adultère demande beaucoup de précautions. Robert s'occupe d'affaires de divorce, il en connaît toutes les finesses. Il t'a appelé ce matin. Il plaide une affaire importante. Comment arrives-tu à dominer ainsi ton impatience? Je puis difficilement demander à Robert de quitter le palais au milieu d'une plaidoirie pour cause de dessein. Miss Fulton! Il vient de m'arriver une histoire. On m'a suivi dans la rue. Bravo, Maud! Je me précipitais chez toi, en fait, quand soudain, j'ai compris qu'un homme me suivait. Je voulais en être sûre. Alors j'ai changé de trottoir. L'homme aussi, j'ai ralenti le pas. L'homme aussi, je me suis remise à courir, bien sûr, car j'étais tellement anxieuse de trouver, ainsi que Robert. Eh bien, l'homme s'est mis à courir derrière moi. Mais tu n'as pas eu peur? Bon, ça m'arrive constamment d'être suivie dans la rue. J'aime beaucoup ça. La promenade la plus ennuyeuse en prend infiniment d'agrément. Naturellement, ça ne va jamais plus loin. Regret ou soulagement? Oh, chérie, j'aurais pas une minute à moi si je devais écouter tous les hommes qui veulent me faire des déclarations. Je me demande où ils me trouvent. Il doit y avoir quelque chose à quoi ils ne peuvent positivement pas résister. Oh, chérie, j'allais oublier. Toutes mes félicitations. Pour la mort de mon mari? Aussi pour tes fiançailles avec Robert Oldham. Robert ne m'a jamais demandé de l'épouser. Oh, mais il va le faire. Oui, je le suppose. Qu'est-ce qu'il prend, Caroline? Tu sais très bien qu'il va le faire. Oui, mais ne me harcelez pas ainsi. Je ne vais tout de même pas forcer ce pauvre homme à m'épouser. Oh, dis pas de bêtises. Il t'adore, tu l'adores. Vous n'attendez que ce moment depuis que vous vous êtes rencontrés. Eh bien voilà, le moment est arrivé. Mais tu es étrange. Ah ben oui alors. Je m'attendais à te trouver, je ne sais pas moi, tremblant, pleurant un peu, mais... Tu étais prête à mélanger des pleurs aux miens. Oh, des larmes de joie, ma chérie. Je ne m'attendais certes pas à te trouver de mauvaise humeur. Pense à Robert. Pense à ce qu'il a dû haïr, cette plaisoirie stupide qui le retenait loin de toi. En ce moment, il compte les minutes. Quand il ne le voit pas arrivant ici, sonnant à la porte. Le temps lui semble interminable jusqu'à ce que Cooper ne lui ouvre. Enfin, il monte les étages, 4 à 4. Sûrement pas, il arriverait tout essoufflé. Et puis il te prend dans ses bras et il te dit... Enfin. Oh, moi je vois cela comme si j'y étais. Oh, je voudrais être ici. Oh. Bon, eh bien, je vous serai très obligée à toutes les deux de vider les lieux avant qu'il n'arrive. Oh, mais bien sûr, ma chérie. Il y a des moments où on a le droit de fermer la porte sur son bonheur. Quand a-t-il dit qu'il devait venir? Il n'a rien dit, je n'ai aucune nouvelle de lui ce matin. Il ne t'a pas téléphoné? Même pas? Il n'a peut-être pas eu le temps de regarder le journal, il n'est pas au courant, tout simplement. Oui, moi je trouve tout à fait naturel que Robert n'ait pas téléphoné. Après tout, Stéphane était ton mari. Robert a un tact exquis. Il pense que tu peux avoir certains souvenirs à évoquer, que tu préfères le faire seul. Oh, comme tu dois être impatiente! Il ne vous est jamais arrivé sur une plage de descendre jusqu'à la première vague avec l'intention de prendre un bain. Arrivé au bord de l'eau, vous découvrez que la mer paraît glaciale. Vous décidez de l'ignorer. Vous entrez dans votre cabine. Elle est froide, elle sent la poussière. Vous vous déshabillez, vous mettez votre maillot de bain, vous ouvrez la porte. Et là, devant vous, vous découvrez un horizon hostile, avec des vagues. Alors, tout simplement, le cœur vous manque. Dans ces conditions, la seule chose à faire est de ne pas y penser, plonger d'un seul coup. Je me demande si ce n'est pas exactement ce que Robert, en cet instant, s'efforce de faire. Oh, allons donc, quelle idée! J'ai remarqué que l'on pouvait souvent attribuer aux autres ses propres sentiments. Je ne veux pas dire que toi aussi tu as peur. La panique. Oh. Mais Robert t'adore, ma chérie. Oh, je me souviens du 1er janvier dernier. Nous soupions au Savoy. Je lui ai dit, Robert, n'êtes-vous pas un peu triste de cette année qui s'envole? Non, m'a-t-il répondu. Chaque année qui commence me rapproche du jour où j'épouserai Caroline. Oh, quel trésor. Oui, oui, je sais qu'il m'aime. Nous savons inspirer l'amour, Caroline. Hmm. Toi et moi. Avoue que tes adorateurs ne t'ont jamais mis un pistolet sur la tempe en te disant épousez-moi. Non, mais il leur est arrivé d'en poser un sur leur propre tempe et de me menacer de tirer si je n'acceptais pas. L'arme s'est enrayée, car enfin tu es toujours célibataire. Je leur ai dit la vérité. Après mûre réflexion, je suis arrivée à la conclusion qu'un seul mari n'est pas suffisant pour une femme. Mon Dieu, moi qui trouvais qu'un seul c'était déjà beaucoup. Qui te dit que trois ne t'auraient pas donné davantage de satisfaction? Trois? Ce serait l'idéal. Je vivrais deux jours par semaine avec chacun d'eux et j'aurais mes dimanches pour moi. C'est Robert! C'est lui. Bah, ce mari doit être en plein tribunal. Oh, j'ai un pressentiment. C'est Robert. Mais, réponds pour moi, Maud. Qui est à l'appareil? Non, c'est Miss Fulton. Mais je vais appeler Mrs. Ashley. Oh, qui est-ce? C'est le secrétaire de maître... Dites, je suis sortie que tu ne sais pas quand je reviendrai. Oh, c'est vous, Robert. Ici Maud. Maud Fulton. Oui, Caroline est là. Oh. Bien sûr, elle sera ravie de vous voir. Maud, je suis sortie, je te dis. Oh, quel chip! Vous devriez venir. Et au galop. Naturellement, Caroline s'est libérée. Oh. Elle vous attend. Maud, tu es monstrueux, je ne te pardonnerai jamais. Tu as dit que je l'attendais. Mais c'est la vérité, non? Mais c'est très humiliant, comme si j'étais là assise contre un mur, attendant qu'il vienne me demander en mariage. Exactement ce que tu souhaites. Mais l'idée ne t'est jamais venue que je pourrais refuser? Non. Et pourquoi pas? Il t'attend depuis des années avec l'espoir de t'épouser. Maintenant, tu l'épouseras, que tu le veuilles ou non. Mais tu le souhaites, n'est-ce pas, Caroline? C'est ce que je pensais hier encore. Tu l'aimes, Caroline. Et tu n'es pas comme moi, tu es une femme fidèle, toi. Tes sentiments n'ont pas pu changer d'un jour à l'autre. C'est ce que je me dis aussi. Il faut que tu acceptes, mais Caroline. Mais oui, n'ayez pas peur, j'accepterai, mais ne me bousculez pas, il n'y a rien d'étonnant à ce que je sois un peu nerveuse. Oh, il ne faut pas, ma chérie. Ça te donne un charme de plus, et crois-moi, c'est très efficace. Espérons-le. En tout cas, il faut que je change ceci pour quelque chose de plus féminin. De toute manière, il te trouvera ravissant. Je sais, cher Robert. Mais je ne veux pas être demandée en mariage dans un manteau de paillage. Tu le rendras très heureux. Je crois. Et voilà. Pauvre Caroline. Es-tu sûre qu'au fond de tout cela, il n'y a pas un autre homme? Rex Cunningham est venu ce matin, mais il ne l'a même pas vu. Je l'ai renvoyé tout de suite. Bravo. Oh, ça m'a fait de la peine pour lui. Il est tellement amoureux. Mais il ne compte pas pour elle. Elle ne te connaît que depuis 3 mois. Un homme que l'on ne connaît que depuis 3 mois a toujours l'avantage sur un homme qu'on connaît depuis 10 ans. Maud, je sais maintenant pourquoi tu ne t'es jamais mariée. Pourquoi? Parce que tu as du bon sens. Et les hommes n'aiment pas ça. En tout cas, tu as bien fait de renvoyer Rex. La prochaine fois qu'il mettra les pieds ici, dis-lui que tout est réglé. Mr. Cunningham. Oh, je m'attendais à voir Caroline. Comment allez-vous? Elle sera là dans un instant. Vous devriez rester. C'est ce que je comptais faire. Je croyais que vous étiez allé faire une promenade en voiture. J'ai fait très lentement le tour du parc, puis j'ai décidé qu'il fallait que je voie Caroline. C'est très gentil à vous de désirer être le premier. Pardon? À la félicité de ses fiançailles. Quoi? Vous ne saviez pas? Elle va épouser Robert Oldham. C'est en ce nom. En espoir charmant de voir ces deux êtres enfin réunis après tant d'années. Ils sont follement amoureux l'un de l'autre. Mais ils n'étaient pas encore fiancés il y a un quart d'heure. Il m'est arrivé très souvent de me fiancer et de voir mes fiançailles rompues dans les 10 minutes suivantes. C'est tout à fait compréhensible. Pardon? Oh, pardon! Littéralement, vous avez raison, mais en ce qui me concerne, je suis décidé à attendre le temps qu'il faudra pour voir Caroline. Et pourquoi? Parce que j'entends moi-même la demander en mariage. Il faut que je la voie. Bien sûr, il faut que vous la voyiez. Elle est rayonnante de bonheur. Elle adore cet homme. Oh. Ils ont déjà décidé d'aller à Venise en voyage de noces. Robert a dû s'absenter pour quelques instants. Elle a eu une peine inouïe à le laisser partir. Saperlipopette! Je ne m'en remettrai jamais! Oh, mon pauvre ami Rex, allons! Oh, c'est bien ma belle! Voilà le genre d'histoire qui m'arrive constamment! Oh, l'amour a toujours fait des victimes. Oh, Maud, voyons! Personne ne pense à moi! Jamais! Oh, ne dites pas ça, ce n'est pas vrai! Il vaut mieux que je m'en aille. Je n'ai plus rien à faire ici. Mais où allez-vous? Je ne sais pas. Qu'importe. Vous m'inquiétez! Vous n'allez pas faire une bêtise, au moins. Oh, venez ce soir chez moi, nous dînerons ensemble. Vous aurez un bien triste convive. Allons, c'est dit, c'est dit. Oh, vous êtes si bonne pour moi. À tout à l'heure. Vous avez un extraordinaire don de sympathie. Il y a quelque chose dans le bleu de vos yeux qui a l'étrange pouvoir de consoler. Le bleu de ses yeux. Mon cher Rex. Eh bien, tu ne perds pas de temps. Ce pauvre garçon est crucifié. Et je l'aurais laissé partir sans un mot de consolation. Et pourquoi l'as-tu invité à dîner? J'ai pensé qu'il aurait plaisir à me parler de Caroline. Évidemment, ton mari étant aux Indes pour un bon moment, tu peux te permettre d'être une amie compatissante. Ce que tu as osé lui dire tout à l'heure m'a fait dresser les cheveux droit sur la tête. Ce garçon-là avait quelque chose d'assez pathétique et charmant, j'en conviens. J'ai un cœur, comme toi, ma chère. Mais comment savoir ce que Caroline aurait pu faire dans un moment d'émotion? Il fallait infiniment mieux le mettre en face du fait accompli. Tu es étonnamment douée pour le mensonge, mon être dame. Robert! Cher Robert! C'est pas si, hein? M'accueillir comme si je venais d'échapper à un accident d'omnibus. Nous sommes si heureuses de vous voir. Toute la matinée, nous vous avons attendu. Je m'en doutais pas, je regrette. Comment allez-vous? Il faut absolument que je vous embrasse. Il le faut absolument. Vous ne voulez pas? Si c'est moi, je suis toujours là, je vous en prie. Oh, ne jouez pas l'homme froid, maître de ses émotions. Vous êtes tout ému, voyez. Laissez-moi prendre votre pouls. Enfin, mon Dieu, qu'est-ce qui vous prend tout d'un coup? Cher Robert. Et vous, Isabelle, comment allez-vous? Cher Robert, je suis si heureuse de votre bonheur. Oh, c'est stupide. J'ai l'impression que je vais me mettre à pleurer. je sais que vous avez du cœur, Isabelle. Mais... Oh, Robert, je ne sais pas bien. Enfin, j'ai du mal à exprimer ce que je ressens, mais croyez-moi, je ressens tout ce que vous aimeriez que je ressente. Vous pouvez m'embrasser si vous le ressentez. Non, non, pas jusque-là. Ah, vous me repoussez. Comment vous êtes-vous arrangé pour arriver ici à cette heure? Mes méthodes très originales, j'ai pris un taxi auto. Oh, qu'il est exaspérant. On nous avait dit que vous plaidiez ce matin. Oui, mais j'ai pu m'échapper avant la fin de l'audience. Oh, dans ces conditions, pourquoi ne vous êtes-vous pas échappé plus tôt? Ah, les affaires passent avant le plaisir. Et vous avez vos hypothèses sur mon silence, on dirait. J'avais raison. Je l'ai attribué à votre tact. Un homme bien élevé comprend qu'en de telles circonstances, une femme peut aimer rester seule avec ses souvenirs. Ou je vous connais mal, ou vous avez une bague dans votre poche. Remontrez-la-moi, Robert. Remontrez-la-moi, je voudrais tant la voir. J'ai pas de bague. J'étais tout droit au palais ce matin, de là je suis venu ici. J'ai pas pensé à une bague. Ça aurait fait tant plaisir à Caroline. Ça l'aurait touché, mais tant pis. Oh, Robert, soyez gentil avec Caroline. Pensez à tous les moments qu'elle a traversés. Mais je le sais. Avez-vous déjà décidé où vous allez en voyage de noces? Ma chère Maud, il y a 2 heures exactement que j'ai appris la triste nouvelle de la mort de Stephen Ashley. Triste, dites-vous? Pour lui, papa, pas pour moi, bien sûr. Il y a toujours quelqu'un pour regretter n'importe qui. Je souhaite que quelqu'un le regrette, Nulis? J'en doute. Considérons plutôt sa mort comme un soulagement. Mais pourquoi dites-vous ça? Après tout, vous ne saviez rien de lui, sauf qu'il avait des végétations. Caroline est merveilleuse, elle n'a jamais rien dit d'autre. Merveilleuse? Bon, après tout, un homme peut avoir des végétations et en même temps d'admirables qualités. Personnellement, je vous recommande Venise. Tout de suite? Mais non, pour votre voyage de noces. Ah, pardon, je l'ai oublié. Non, nous nous connaissons depuis trop longtemps pour Venise. Mais le mariage fait toute la différence. Il faut refaire connaissance. Entièrement. Vous croyez vraiment que cette nouvelle situation va beaucoup changer Caroline? Moi, je ne le souhaite pas. Je suis si habituée à la Caroline que je connais. Oh, mais elle sera exactement la même. Mais... En mieux. C'est rassurant, mais un peu vague. Non, mon idée à moi était de faire un tour des principales capitales d'Europe. Vous passez votre temps dans des gares. Oui, je sais, mais c'est là précisément qu'un homme montre sa supériorité. La femme est agacée, nerveuse. Certaines de manquer le train, lui est calme. Avec nonchalance, il surveille les bagages, il a les tickets dans sa poche, il n'a pas vu les parapluies. Enfin, voilà un homme, se dit-elle. Croyez-moi, voilà des bases solides pour commencer un mariage. Enfin, j'en suis pour les capitales d'Europe. À mon avis, ce qui ferait plaisir à Caroline, c'est une petite plage tranquille. Ah, mais je ne me trouve pas très à mon avantage en maillot de bain. Je n'aime pas me baigner, je déteste l'eau froide. Ce matin encore, je pensais à quel point je haïssais la mer. Ce matin? Et pourquoi? Je ne sais pas, c'était une idée comme ça qui m'a traversé l'esprit. Vous n'êtes jamais arrivé dans un moment d'optimisme de vouloir prendre un bain. Vous descendez jusqu'à la plage et déjà l'eau vous paraît glaciale. Néanmoins, vous décidez de ne pas y prêter attention. Vous entrez dans votre cabine. Il fait froid, ça sent mauvais. Vous enlevez vos vêtements, vous mettez en costume de bain, vous ouvrez la porte et là devant vous, vous apercevez un horizon hostile avec des vagues. C'est le moment où vous souhaitez mourir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Il faut que nous partions, je crois. Vous ne voulez pas déjeuner ici? Non, je suis invitée. Toi aussi, Maud, n'est-ce pas? Mais il est très tôt, ne partez pas. Non, je suis désolée. Il le faut. Au revoir, chérie. Bien, au revoir. J'étais heureuse de vous voir. Cher Robert. Cher Robert. Nous vous la laissons. Alors, comment doivent se conduire les éléphants quand ils veulent vraiment avoir du tact? Mais comment se fait-il que vous soyez là de si bonne heure? J'ai pu m'échapper, Maud m'a dit que vous m'attendiez. Ah oui, mais pour le thé? Vous ne vous souvenez pas m'avoir dit hier que vous passeriez pour le thé? Ah oui, ça certainement. Ce matin, pourrais-je avoir un whisky soda? Ah oui, bien sûr. Il faut que je retourne au palais pour une heure. Isabelle est une femme charmante, non? Quel dommage qu'elle ne s'entende pas avec son mari. Si, elle s'entend très bien avec lui, mais ils s'entendent encore mieux lorsqu'il est aux Indes et elle en Angleterre. Elle n'est pas très intelligente, mais elle était extraordinairement reposante. J'imagine parfaitement qu'un homme lui soit très, très attaché. Oui, elle est assez jolie. Oui. Évidemment, il est difficile d'imaginer une vie avec elle en permanence. C'est si différent, n'est-ce pas, une présence permanente. Oh, certainement. Madame, un coupeur, apportez le whisky avec du soda. À tout de suite, madame. Ça me fait penser au cas dont je m'occupe en ce moment. Vous avez déjà rencontré les Peterson? Non, je ne crois pas. C'est une femme charmante. Elle était Mrs. McDougall. Moi, je connais Jack Peterson depuis 20 ans. Je n'aurais jamais cru capable de ça. Mon Dieu, qu'a-t-il fait? Mais il était très assidu auprès de Mrs. McDougall. C'était une vieille liaison universellement acceptée. On les invitait toujours à dîner ensemble et un beau jour, McDougall accorda le divorce à sa femme. Et une fois ce divorce prononcé, Mrs. McDougall épousa Peterson et aujourd'hui, ils divorcent. Ah oui, je vois, c'est tout naturel. Combien de temps sont-ils restés mariés? 18 mois. Il ne peut plus se voir en peinture. Il paraît qu'il est complètement mou à jeun et brutal quand il est ivre. Ça s'appelle Pilate. Et lui, que dit-il? Que le contrôle qu'il a sur lui-même l'étonne à chaque minute. Il n'arrive pas à comprendre comme il n'a pas encore étranglé. Voilà son argument. Il ajoute qu'il est le seul à blâmer. Oh, c'est très gentil, galant même. Ah non, c'est pas dans ce sens-là qu'il le dit, non. Non, il sous-entend qu'il aurait dû être assez avisé pour ne pas l'épouser, parce que quand une femme ne parvient pas à s'entendre avec son premier mari, il y a tout à parier qu'elle ne s'entendra pas mieux avec le second. Vous avez un excellent whisky, Caroline. C'est vous qui l'avez choisi, Robert. Voilà, alors votre mari est mort, Caroline. Enfin. Vous. Savez-vous de quoi? Non. Non, les fièvres, sans doute. Il faut avoir une nature exceptionnellement résistante pour supporter indéfiniment ce climat-là. Stéphane avait une nature exceptionnelle. Ah oui. Vous avez été très surprise en lisant cette annonce dans le Times ce matin. Oui. Pas tout la mort, même s'il s'agit d'une personne qui s'est indifférente, est toujours un choc. Oui, quand un homme est mort, on ne se souvient que de ses qualités. C'est où que vous n'avez absolument pas changé pendant ces 10 ans, Caroline? Oh, vous m'avez vu presque tous les jours. Vous ne pouvez guère avoir remarqué la différence. C'est exact, vous êtes magnifique. Ces 10 années aussi ont été merveilleuses. Nous avons trouvé un plaisir constant et réciproque dans notre compagnie. Vous m'avez bien souvent aidé, vous m'avez connu à mes débuts, vous m'avez vu arriver à une situation qui ne cesse de progresser. Oui. Je ne serais pas étonné d'être ministre avant de mourir. Nous avons passé de très bons moments ensemble. Excellent. Mon cher Robert, vous avez toujours été si gentil, si patient. Ça ne m'a pas donné beaucoup de mal, grâce à vous. Vous n'avez jamais oublié ces petits anniversaires dont un homme ne se souvient jamais, auxquels les femmes attachent tant d'importance. Vous m'avez couverte de roses. Vous avez fait cela 100 fois. Mon Dieu, si tout cela était arrivé il y a 10 ans, quelle différence. Nous serions déjà un vieux couple, Caroline. Vous le souhaiteriez? Moi, oui. Quelle question. Depuis 10 ans, chaque matin, je lis la chronique nécrologique du Times à la recherche du nom de Stephen Ashley. C'est lui ce qui donnait beaucoup d'agrément à mon petit déjeuner. Combien de fois ai-je souhaité que votre nom commence par un V ou un W au lieu d'un A? Ça m'aurait permis de poursuivre ma lecture jusqu'au dernier toast. Un Z l'aurait mené jusqu'à la première cigarette. On est toujours un peu triste le jour où l'on obtient ce que l'on veut. Mais oui. C'est vous que je n'ai jamais vu une photographie de lui? Oh, je détruis tout ce qui pouvait me rappeler sa présence. Ainsi, je ne saurais jamais à quoi ressemblait ce garçon. Et pourtant, il a eu sur ma vie une énorme influence. Sa simple existence, à des milliers de kilomètres d'ici, m'a fait ce que je suis. Nous avons quelque chose dont nous lui savons gré. C'est très gentil ce que vous dites là. Dites-moi, quel genre d'homme était-ce? Oh, un homme comme un autre. C'est étrange, la vie, n'est-ce pas? Bon, je pense que vous avez mille petites choses à faire. Je ne veux pas abuser de votre temps. Vous avez un rendez-vous, je crois. Il ne faut pas vous mettre en retard. Non, je ne perds pas. Mais je voulais simplement avoir cette petite conversation avec vous. Cela m'a fait plaisir de vous voir. Bon, et me permettrez-vous de revenir à l'heure du thé? Bien sûr, voulez-vous que je demande à une ou deux amies d'être là? Nous ferons un bridge. Très bonne idée. Ça me repose toujours énormément quand je reviens du palais. Bon, et bien alors, au revoir. Au revoir. Bonne chance pour le procès. Merci. Voilà que j'allais oublier le but de ma visite. Ah, vous n'étiez pas venu en passant? Non, non, pas, non, pas exactement. Jonathan, est-ce que je pourrais avoir une goutte de whisky? Vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Je ne sais pas pourquoi j'ai la gorge si sèche ce matin. Il y a du brouillard dans l'air. Oui. Bon, alors qu'est-ce que nous allons faire, Caroline? À quel propos? À quand voulez-vous que nous nous marions? Je n'y avais pas beaucoup pensé, je l'avoue. Mais nous étions convenus que ce serait dès la disparition de votre mari. Oui, je m'en souviens. Alors dites votre jour, Caroline. Non, c'est pas à moi. Ah, si, c'est à vous, c'est une très ancienne coutume. Les Romains, déjà... Oui, bien, que suggérez-vous? Ah, voilà, que vous êtes obstiné. Bon, eh bien... Ben voulez-vous un peu de temps pour vos robes? Les bas exigent 3 semaines. Moi-même, je suis assez pris. Que diriez-vous du début des grandes vacances? Je ne veux pas vous épouser, Robert. Caroline. J'ai réfléchi très sérieusement et j'ai pris ma décision. Vous voulez dire que rien ne vous fera changer d'avis? Rien? C'est une terrible désillusion, Caroline. Je suis navrée de vous faire de la peine, Robert, mais croyez-moi, j'agis dans notre propre intérêt. Si vous refusez, absolument. Absolument? Je ne comprends pas, Caroline. La moindre chose dans mon attitude a-t-elle pu vous faire penser que je n'étais pas absolument décidé à vous épouser? Les femmes sont si étranges. N'ai-je pas été assez ardent? Auriez-vous répondu différemment si je vous avais demandé votre main d'une autre manière? Vous savez, une situation comme celle d'aujourd'hui m'embarrasse. Je suis par nature timide. Vous ne pouvez pas demander de me mettre à genoux et de me conduire comme un Français. Caroline, mon expérience en proposition de mariage, je l'avoue, assez réduite. Eh bien, je vous félicite. C'était comme si vous aviez fait cela toute votre vie. Vous étiez aussi à l'aise que lorsque vous commandez du caviar ou du champagne. Pourtant, je tremblais de tous mes membres. Alors pourquoi m'avez-vous refusé? Cher Robert, nous avons été très heureux. Un délicieux sentiment nous unit. Ce serait dommage de l'exposer à une vie quotidienne, non? Vous êtes merveilleuse. Ah, la même idée vous est venue, n'est-ce pas? Non, pas exactement, mais elle a traversé mon esprit. Il faut voir ces choses-là d'un point de vue rationnel. Nous ne sommes pas si mal comme nous sommes. Ce serait dommage de changer. Ce serait un risque. Vous reconnaissez donc que j'ai eu raison de refuser? De votre point de vue, Caroline, il y a beaucoup à dire en faveur de votre décision. Je serais le seul à gagner au change. Entre nous, n'êtes-vous pas un peu soulagé que j'ai refusé? Moi? Je suis effondré, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, l'œil nu, Robert. Vous savez que j'ai beaucoup d'empire sur moi-même. Oui, vous vous sentez comme quelqu'un qui aurait mis sa tête dans un nœud coulant, mais qui par une merveilleuse intervention de la Providence. Caroline, j'accepte vos décisions, mais ne pensez pas que si je prends les choses du bon côté, mon cœur n'est pas... Déchiré. Vous vous moquez de moi. Vous êtes adorable, Caroline. Oh, mon cher Robert. Mais il fallait que je le fasse. Eh bien, je l'ai fait. Eh bien, c'est parfait, n'en parlons plus. C'est que j'ai eu très peur. Oh, mon pauvre Robert, je m'en doutais. Vous ne m'en voulez pas trop? Absolument pas. Caroline, vous êtes merveilleuse, vous savez, Je pourrais presque vous épouser. Mon chéri, pour un rien, je pourrais consentir à devenir votre femme. Oui, madame. Non, madame. Je ne crois pas que madame se sente en très bonne santé aujourd'hui. Bien, madame, je ferai la commission. Mrs. Gilliatt vient de téléphoner pour dire qu'elle espère que madame n'a pas oublié qu'elle doit prendre le thé chez elle, chez Rampalmeyer. Je n'ai pas oublié, je n'ai pas non plus l'intention d'y aller. J'ai dit que je ferai la commission à madame, mais j'ai ajouté que je ne pensais pas que madame se sente en très bonne santé aujourd'hui. Tiens, il n'y avait pas pensé, mais c'est vrai. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je voudrais qu'il pleuve. C'est exaspérant, ce soleil. Et à Londres. Est-ce que je dois téléphoner à Mrs. Gilliatt et dire que madame est désolée, mais qu'elle ne peut pas aller prendre le thé? Très bien. Plus j'y pense et plus je trouve que je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Quand on se sent comme se sent madame, on se sent toujours mieux quand on ne se sent pas très bien. Votre pensée n'est pas très claire, Cooper, mais elle est profondément juste. Ah, donnez-moi des coussins pour que je m'étende. Merci. Maintenant, mettez les cigarettes à ma portée. Très bien, merci. Donnez-moi ce numéro de voix qui est là. Parfait. Couvrez-moi de ce châle espagnol. Ah, voilà. Madame désire-t-elle encore quelque chose? Non, je me sens déjà mieux. Je n'y suis pour personne et je ne répondrai pas au téléphone. Très bien, madame. J'adore être seule dans ma maison et savoir que personne ne peut y entrer sans ma permission. Comme c'est voluptueux d'être sa propre maîtresse. Ah. Il y a des femmes qui aiment avoir un homme à la maison, d'autres pas. Eh bien, moi pas. Madame a de la chance. Madame peut faire ce qu'elle veut. Cooper, vous avez des problèmes avec votre bon ami? Non, madame, c'est pas exactement ça. Je ne sais pas si je me marierai avec lui, hein. Si quelque chose de mieux se présentait... Vous n'êtes pas obligée de l'épouser. Ouf! Lui ou un autre. Je ne voudrais pas rester femme de chambre toute ma vie. Et dites-moi, Cooper, comment s'est-il déclaré? Ma foi, on ne peut pas dire qu'il s'est déclaré, comme dit madame. Ça fait 2 ans qu'on se fréquente. Pas un mot dont je puisse me servir ou qui me donne prise. Alors un beau jour, j'ai fini par lui dire « Bon, alors quoi ?»« Alors quoi, quoi ?» il m'a répondu. « Oh, tu sais bien ce que je veux dire ?»« Pas du tout, » qu'il me dit. « Bon, alors c'est oui ou c'est non ?» C'est une devinette qui me répond. Je lui ai dit « Ça fait 2 ans qu'on se fréquente, aujourd'hui je veux savoir si c'est sérieux ou pas. » Il m'a dit « Oh !» Puis c'est arrêté. Que ce soit oui ou que ce soit non, ça m'égale, j'ai dit. Seulement, je ne veux pas perdre mon temps jusqu'au jugement dernier. Alors, aujourd'hui, je veux savoir, un point, c'est tout. Bon, qui me dit, qu'est-ce que tu proposes? Le 15 août, ça te va? Oh, disons Noël. À ce moment-là, j'aurai une petite augmentation. Ça va, j'ai dit. Ça m'égale d'attendre du moment que je sais où j'en suis. C'est pas très romantique, Cooper. Hein? Les hommes n'aiment pas se marier, madame. C'est pas dans leur nature. Il faut leur donner une petite poussée. Ah, oui, mais s'ils regrettent ensuite la petite poussée. Ah, alors là, il est trop tard. Quand ils sont coincés, ils s'en accommodent. Oui, vous avez raison, Cooper. Finalement, ils n'en sont pas plus malheureux pour cela. Mais beaucoup plus heureux, madame. Seulement, ils ne s'en rendent pas compte. Oh, c'est toute la nature humaine. N'oubliez pas de téléphoner à Mrs. Gilliatt. Non, non, madame, je l'appelle tout de suite. Ah, appelez aussi le docteur Corniche et demandez-lui s'il peut venir me voir. Je pensais que vous vous sentiez mieux, madame. Oui, mais j'ai l'impression que cela irait encore mieux si je voyais un médecin. Pouvoir parler de soi-même sans crainte d'être interrompu pour le prix d'une visite, c'est vraiment peu cher. Ah, madame, c'est très juste. Alors, je peux entrer, Caroline? Non, tu ne peux pas. Caroline, ne sois pas désagréable. Je ne suis pas désagréable, je crois que j'ai la scarlatine. J'ai déjà eu. Il se peut que ce soit la petite vérole. Je suis vaccinée, Caroline. Je n'y suis pour personne. Le thé couvert ne voulait pas me laisser monter. Fais-moi apporter une tasse de thé. Rien. Raconte-moi tout. Rien, rien. Oh, ne sois pas ridicule, Caroline. Il fallait que je te voie. Tu sais que je ne suis pas complètement dépourvue de curiosité. Tu sais que je ne suis pas assez bête pour l'encourager. Chérie, dis-moi comment il s'y est pris. Crois-tu qu'il soit net de raconter le moment de folie d'un homme? Oh, je t'en supplie. Ne me fais pas l'envie. Raconte. Bon, eh bien voilà, Maud. J'étais là, ici même, debout dans ce salon. Alors, il est venu à grands pas vers moi, l'œil fixe. Puis il s'est agenouillé. C'est vrai. Ensuite, il a pris ma main. Il a tourné légèrement la tête. Oui. Et il m'a dit, enfin, enfin, voilà le moment que j'attends depuis ma naissance. Je sais que je ne vous mérite aucunement, Caroline, mais je baise le sol sur lequel vous posez les pieds. Oh, vous êtes la femme idéale. Oh, Caroline, voyez ma joie. Georgie, ai-je répondu? Georgie? Mais non, Robert. Ah, quel idiot tu fais, Maud. Imagines-tu Robert se rendant ridicule à ce point? Non. Il s'est mis à tripoter un siphon et il m'a dit « À propos, quand voulez-vous que nous nous marions ?» Ça, j'aimais mieux la première manière. Bon, enfin, après tout, le résultat est le même. Chérie, je te félicite de tout mon cœur. Ne te fatigue pas, j'ai refusé. Mon Dieu. Mais pourquoi? J'ai pensé que je serais plus heureuse en restant comme je suis. Mais Caroline, tu es abominablement égoïste. Qu'a répondu ce pauvre Robert? La surprise l'a empêché de répondre. Bouleversée. Disons désappointé. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, une veuve parfaite. Et pour mieux entrer dans le personnage, je porte dès demain crêpes, long voile et tout l'uniforme. Crois-tu que le noir m'ira bien? Oh, ben, je te fais confiance. Si ça ne te va pas, tu ne le porteras pas longtemps. C'est vrai. Oh, Caroline. Oh, ça, je suis très, très nabrée pour Robert. Ben, épouse-le, alors. Bon, je ne suis pas du genre qui se marie. Moi non plus. Alors, c'est fini? Fini, fini. Le docteur Corniche. Ah, docteur, comment allez-vous? Cooper. Oui, madame. Allez-vous donner mon message? Ah oui, madame. Mrs. Gilliatt a répondu qu'elle venait d'apprendre la terrible nouvelle et qu'elle comprenait parfaitement. Elle vous présente ses condoléances les plus émues. Et ça te souhaite que vous n'oubliez pas que vous jouez avec elle au bridge demain après-midi. Merci. Maintenant, docteur, je peux m'occuper de vous. Mais c'est pour m'occuper de vous que je suis là. Vous connaissez Miss Fulton? Oh oui. Maud, le docteur Corniche doit m'examiner. Je crois que nous nous sommes dit tout ce que nous avions à nous dire. Chérie, tu souffres de quelque chose? Mais je le saurai quand le docteur m'aura examiné. Bon, bon, je m'en vais. Très bien. Et ne reviens pas avant que je ne t'envoie chercher. Cette chère Caroline, par bonheur, je sais comme elle m'aime. Sinon, j'arriverai à me formaliser de ses remarques. Bye bye, docteur. Eh bien, cher ami, qu'est-ce qui vous arrive? Je suis de mauvaise humeur. Oh, ça! Je m'en suis tout de suite aperçu. Docteur, je ne vous ai pas fait venir pour vous donner le plaisir d'être désagréable et de gagner une guinée par la même occasion. C'est vrai, ce n'est pas très juste, alors laissez-moi au moins prendre votre pouls. Bon, j'ai mal nulle part. C'est là. Bon, alors qu'est-ce qui ne va pas de ce côté-là? Ce qui m'inquiète, c'est que je n'en sais rien. L'Empire britannique est exclusivement gouverné par des gentlemen qui souffrent du même mal que vous, alors que cela ne vous accable pas. Nous sommes tout de même un grand pays. Je suis agacée et je m'ennuie. Cela aurait-il quelque rapport avec l'annonce que j'ai lue dans le journal ce matin? Je comprendrais parfaitement que la perte d'un époux puisse causer un agacement momentané. Mais non, cela n'a rien à voir. J'ai décoré ma salle à manger et ce n'est pas une réussite. Et puis la mode de cette année ne me convient pas du tout. Les robes que je me suis achetées pour le printemps me déplaisent. C'est ça. Alors maintenant, dites-moi la vérité. Mais je vous dis la vérité. Oui, oui, je sais, mais maintenant, la vraie vérité. Les femmes font une telle distinction entre les deux. Vous devez avoir beaucoup de clientes, docteur. Je me défends, oui. Alors, je vous écoute. Vous savez que j'ai toujours eu un grand attachement pour Robert Oldham. Dès notre première rencontre, j'ai désiré l'épouser. Et voilà qu'aujourd'hui, où l'occasion s'en présente, je n'ai plus envie. Je vois. Mais il y a pire. Robert est venu ici ce matin, j'ai découvert que lui non plus ne tenait pas du tout à m'épouser. Mais alors, de quoi nous plaignons-nous? Ça simplifie tout. Mais absolument pas, docteur! J'avais décidé que c'était mon devoir de l'épouser. J'étais prête à me sacrifier. Croyez-vous qu'il soit agréable de renoncer au sacrifice qu'on se prépare? Alors, vous mettez restez pas dans cet état, vous allez me faire une crise de nerfs. Mais pourquoi pas? Elles ne me font plus aucun effet. Alors c'est pas la peine que j'essaie. Non. Je vous jure que j'en arrive à souhaiter que... mon mari soit vivant. Qui est? C'est mon notaire. Non, non, je ne dis pas. Vous savez que j'ai déjà eu 2 ou 3 fausses alertes à propos de la mort de Stéphane. Il est capable d'être vivant. C'est vous, maître Lester? Avez-vous une réponse à notre télégramme? Oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Merci, si, si. C'est très aimable à vous. Mon mari est mort à l'hôpital de Nairobi, cirrhose du foie. Est-ce que ça peut venir du whisky? Pas hors ligne droite. Alors aucun doute, je suis libre. Oh, vous savez, c'est une situation à laquelle aspirent la plupart des gens mariés. Il y a quelque chose de déprimant dans la situation d'une veuve. Je comprends pourquoi des civilisations plus délicates que la nôtre ordonnent qu'on immole les veuves sur les bûchers de leur mari. Mais ma chère amie, vous voyez les choses trop en noir. Depuis les temps les plus reculés, les veuves ont eu la réputation d'être plutôt joyeuses. Mais je refuse d'être joyeuse. Mon mari m'a exaspérée pendant 10 ans par son existence. Aujourd'hui, il m'exaspère encore plus par sa mort. Vous savez ce qui vous arrive? Docteur, si vous me dites l'appendicite, je vous dis. Ce n'est pas l'appendicite. C'est la maturité. Quoi? La maturité. Oh, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas l'impression depuis quelque temps que les policemen dans les rues sont de plus en plus jeunes? Des garçonnets presque. Quand vous étiez une toute jeune fille, souvenez-vous, ils vous paraissaient respectables. Et déjà mûrs. Non, c'est vrai, on les recrute très jeunes en ce moment. Et chez des amis, vous n'avez pas remarqué que les invités les plus jeunes sont terriblement bruyants et que leur conversation n'a aucun intérêt. Aucun. Oui, eh bien, elle est exactement la même qu'il y a 15 ans. Vous m'effrayez, docteur. Vous aimez danser, n'est-ce pas? Oh, passionnément, ça c'est une chose qui n'a pas changé, celle-là. Oui, mais aux environs d'une heure du matin, vous êtes prête à rentrer à la maison. Bah, naturellement, je ne tiens pas à être une ruine le lendemain. Il y a 15 ans, étiez-vous une ruine? Non, parce que j'étais parfaitement capable de dormir jusqu'à midi le jour suivant. Oui, mais maintenant, quelle que soit l'heure où vous allez vous coucher, vous vous réveillez à 8 heures, n'est-ce pas? On dort moins longtemps, vous savez, avec les années. J'ai l'impression d'avoir 100 ans. Oh, ne prenez pas cela trop à cœur. Vous n'en êtes qu'au début. Merci beaucoup. Peut-être avez-vous remarqué un cheveu blanc, un seul, et vous êtes écrié, mon Dieu, je grisonne prématurément. Cela vous amuse, docteur? Mais ma chère amie, c'est le moment heureux de la vie humaine. Vous venez d'apprendre vos limites, mais la passion ne vous aveugle plus. Vous n'attachez plus qu'une importance modérée à l'opinion de vos contemporains. Physiquement, vous êtes dans une forme éblouissante et votre esprit est brillant. Quand j'étais jeune, je faisais des choses auxquelles je ne tenais nullement, simplement parce que d'autres les faisaient, mais maintenant je fais ce que je veux. Je m'habille comme je veux, sans me préoccuper de savoir si c'est la mode. Quand je suis fatigué, je vais me coucher. Un bon livre, un bon verre de vin. Non, croyez-moi, la maturité, c'est l'âge le plus agréable. Et c'est parce que j'ai atteint la maturité que Robert ne veut plus m'épouser. Mais pas du tout, je viens de vous expliquer pourquoi vous-même ne vouliez plus l'épouser. Oh, honnêtement, je ne vois aucune différence entre aujourd'hui et il y a 10 ans. Oui, vous êtes une femme charmante et très séduisante. Je n'ai jamais manqué d'adorateur, mais si tout cela s'en va, que me restera-t-il? Les œuvres de charité? Oh non, non, docteur, vous parlez comme un homme, comme une brute, vous ignorez complètement ce qu'elle lâche pour une femme. C'est un moment très dur. Vous n'allez pas me faire payer cette consultation, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas supporter. Eh bien, bien au contraire, ce sera double tarif. Un médecin est censé ne donner que des médicaments, moi je vous ai donné du bon sang. Oh! Quelle idiote je suis de me laisser persécuter par vous. Eh bien, je vais vous prouver que vous ne connaissez rien. Méfère 1-41. Il y a Rex. Qui est Rex? Ah, la jeunesse, l'amour, la passion. Pour lui, au moins, je suis jeune et charmante. Il m'aime. Oh, oh. Rex, devinez qui vous parle. Que faites-vous en ce moment, Flemmard? Étant donné les circonstances. Quelles circonstances? Eh bien, venez dîner avec moi ce soir. vous êtes pris. Vous ne pouvez pas... Bien, si c'est cela, n'en parlons plus. De toute manière, venez maintenant. Très bien. Il y a tout de suite. Alors, qu'allez-vous faire? Simplement lui dire que j'ai refusé d'épouser Robert Oldham. Et puis? Nous verrons bien. Vous devriez épouser Robert Oldham. Oh, il n'y tient pas. Poussez-le un peu. Il n'est plus très jeune. Je ne crois pas que nous soyons faits l'un pour l'autre. Mais essayez encore, vous verrez, ça ira très gentiment. Gentiment, gentiment, mais moi je ne veux pas de gentillesse. Je veux de la poésie, de la passion, du romantisme. Bon, ça, je vais vous faire une petite ordonnance. Quelques gouttes de sédatif vous font bon coup de pied. Vous pouvez faire toutes les ordonnances que vous voulez, je ne prendrai aucun de vos médicaments. Vous auriez tort. On vous a dit que l'histoire du monde aurait été différente si le nez de Cléopâtre avait été plus long. Moi, je suis certain que si l'on avait soigné Cléopâtre avec quelques plantes, de la valériane, des massages, elle ne serait jamais rendue ridicule à la bataille d'Axia. Voilà. Vous allez me prendre ceci 3 fois par jour après les repas, ça vous fera beaucoup de bien. Je ne veux pas qu'on me fasse beaucoup de bien. Madame, Mrs. Strange est en bas. Et je suis sortie, Cooper. Je vais lui dire que Madame dit qu'elle est sortie. Eh bien, adieu, cher ami. J'ai 25 ans, docteur. Et l'aventure est en route en automobile de sport. Bien, renvoyez-la. Choisissez le bon sens. Et laissez-vous promener dans une confortable limousine. Madame, Mrs. Strange insiste. Elle dit que madame lui a téléphoné de venir immédiatement. Moi, jamais. Isabelle, pourquoi as-tu prétendu que je t'avais téléphoné? C'est moi qui ai téléphoné. Oui, je trouve absurde que tu refuses Robert. J'ai donc convoqué Isabelle pour que nous puissions te persuader toutes les deux de l'épouser. Quand de vrais amis te voient sur le point de commettre une terrible erreur, elle serait impardonnable de ne pas faire l'impossible pour te l'éviter. Vous vous êtes mises d'accord toutes les deux. J'ai exposé le cas à Isabelle tel que je le conçois. Je n'arrive pas à comprendre. De ma vie, je l'ai vu pareil malentendu. Bon, et bien que maintenant que vous avez bien papoté, je vous serai infiniment reconnaissante de vous en aller. Hein? Non, Caroline. Pas avant que tu n'aies écouté ce que nous avons à te dire. C'est sûrement un malentendu. Avec un peu de bonne volonté, tout peut s'arranger. Robert et moi, nous nous entendons parfaitement. Trop bien, même. Je crois que tu ne vois plus à quel point il est attirant. Oh, tu le trouves attirant. Voyons. Il a des yeux profonds. Exactement ce qu'il dit de toi. Oh, c'est vrai. Oh, répète-moi exactement ce qu'il dit. Dommage que tu ne l'épouses pas. Oh, moi? Quand tu es là, il ne regarde personne. Mais je ne suis pas toujours là, n'est-ce pas? Caroline, tu es un peu acide. Pourquoi? En tout cas, tu ne peux pas te permettre de refuser Robert. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup parlé de toi, de cette liaison avec Robert. Nos amis ont été extrêmement compréhensifs et même tolérants, parce que la situation était un peu particulière. Et maintenant, honnêtement, tu leur dois d'épouser ce garçon le plus vite possible. Si je me marie un jour, ce sera pour moi, pas pour faire plaisir à mes amis. Il est grand temps que tu te ranges. Tu n'as plus 15 ans, Caroline. Oh, je suis plus jeune que toi, tu sais. Une veuve à l'âge de son prochain mari. Une célibataire est aussi jeune que sa dernière liaison. D'ailleurs, si je voulais un mari, j'en prendrais un plus jeune que Robert. Ma chérie, il est à l'âge parfait. Les jeunes gens ne pensent qu'à eux. Un homme de 45 ans pense à toi. Ma chère Caroline, jusqu'ici, j'ai fait de mon mieux pour ne pas te froisser. Mais il est de mon devoir de te dire l'entière vérité. Ce sera très long. Pourquoi? J'attends Rex dans une minute. Dès qu'il arrivera, je vous demanderai de partir. Parti? Il a demandé à me voir seule. Rex? Que te veut-il? Je ne sais pas, mais je suis pleine de curiosité. Je ne te cacherai pas que cela me surprend beaucoup, Caroline. Non, vraiment. Parce que je lui ai tout dit sur ton prochain mariage avec Robert Oldham. Non. Non, c'est pas vrai, tu n'as pas fait ça, mais c'est monstrueux. Et de quel droit te mêles-tu de mes affaires? Mais comment oses-tu? Comment oses-tu? Mais voici. Qui s'arrête? Mais il s'arrête, il descend de voiture. Je ne bougerai pas d'ici, Caroline. C'est une affaire à liquider sur le champ. Pendant que Rex sera là, Isabelle et moi, nous prendrons le thé dans ton boudoir. Viens, Isabelle. Si vous voulez des petits fours, vous n'avez qu'à sonner. Mr. Cunningham. Oh, Rex, comme c'est gentil d'être venu. Moi qui croyais que je ne vous reverrais jamais. Je parie que vous vous êtes dit, voilà la fin de notre amitié. Laissez-moi vous féliciter de votre prochain mariage. Ne savez-vous pas quels sont mes sentiments depuis que je vous connais? Si, je sais, vous êtes jeune, passionné, romantique. Justement, je pouvais encore supporter de penser que vous étiez la femme d'un homme que je n'avais jamais vu, il était très loin. Cela ne me gênait pas, outre mesure. Mais maintenant, c'est différent. Mais vous n'avez jamais ignoré mon attachement pour Robert? Oh non! Mais si vous saviez comme j'en ai souffert! Non, c'est vrai, Rex! Oh, je suis désolée, vraiment, vous me faites beaucoup de peine. Je vais donc continuer à souffrir, je me connais. Je sais de quelle torture je suis capable. C'est ma nature. Non, la seule chose que je vous demande, c'est de ne plus me permettre de venir vous voir. Mais je vous aime beaucoup, Rex. Vous me dites cela parce que vous avez bon cœur. Mais vous serez si heureuse avec l'homme que vous aimez. Je serai trop à chaque instant. Non, laissez-moi partir, ma vie est brisée, alors qu'au moins, je vous épargne la vue de mes tourments. Que diriez-vous si vous saviez que j'ai refusé d'épouser Robert Oldham? Vous? Mais Maud Fulton m'a expliqué que vous étiez fiancés tous les deux. C'est faux, Maud s'est trompée. Saperlipopette! Ça vous fait pas plaisir? Mais pourquoi l'avez-vous repoussée? Mais je ne l'aimais pas assez, probablement. Mais êtes-vous absolument sûre d'avoir bien fait? Je ne m'attendais pas à cette question. Mais je ne pense qu'à votre bonheur. Peut-être mon bonheur est-il ailleurs. Vous connaissez Robert Oldham depuis des années. Depuis un siècle tout de même. Enfin, il est merveilleux, distingué. Je vous avoue qu'à côté de lui, je me suis toujours senti assez... Vous direz presque que vous souhaitez que je l'épouse. Oh, ça me briserait le cœur. Mais... Mais cependant, je me demande si ça ne serait pas la meilleure solution. Une telle abnégation est rare chez un homme. J'ai tellement l'habitude d'être sacrifié. Êtes-vous sûr que vous n'aimez pas cela? Moi? Oh, Caroline, si vous saviez combien de nuits blanches j'ai passées à cause de vous. Et moi qui me faisais tant de soucis pour vous. Aucune femme ne vous a jamais aimé. Si, si, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi ça m'a toujours inspiré un ennui insurmontable. Oh, je comprends. Vous vous délectez de passions inassouvies. Caroline, vous croyez que je ne suis pas sincère? Si, mais je pense que mon prince n'y pas la tête et que je ne vous aimais pas. Vous me faites sentir ridicule. Mais non, je ne vous blâme pas. Nous sommes ceux que nous sommes. Vous êtes l'amant malheureux et moi une idiote de l'avoir pas compris plus vite. Au fait, où dînez-vous ce soir? Isabelle m'a prié de partager son repas. Je l'aurais parié, chère Isabelle. Elle a un cœur très vaste et une provision de sympathie sans borne. Caroline, vous ne pensez pas un instant, non, mais je vous le recommande. Maintenant que je sais que rien ne pourrait vous ennuyer davantage que de voir notre passion aboutir, je ne sais pas si j'arriverai à vous donner autant de sympathie que vous le désirez. Vous êtes injuste, Caroline. Est-ce ma faute, après tout, si je ne suis vraiment heureux que quand je suis très malheureux? Mais non. Et puis elles sont impossibles. Qui? Les femmes. Elles veulent toujours se sacrifier. Elles sont si égoïstes. Pourquoi un homme n'attirait-il pas la pitié, lui aussi? Non, je veux me dévouer, je veux souffrir en silence. Oh, en silence. Eh bien, Rex, je vous laisse à votre souffrance et à Isabelle. Bonsoir. Décidément, personne ne me comprendra jamais. Vous savez, Caroline, une femme n'est jamais plus désirable que lorsqu'elle est hors d'atteinte. Je vois que tu n'as pas perdu ton temps avec Rex. Mais que veux-tu dire? Il dîne avec toi ce soir. Mais bien sûr, je l'ai invité. Il paraissait si malheureux. Oh, malheureux. Mais il adore ça. Eh bien, puisque tu le veux, je te donne. Oh, tu lui conviendras parfaitement. Tu écouteras avec sympathie toutes ses protestations d'affection et tu iras de ta petite larme lorsqu'il te dira qu'il t'adore. Oh, je te fais toute confiance. Tu n'iras jamais plus loin car tu t'apercevras très vite que cela mettrait fin à votre idylle. Je ne t'en dis pas plus. Il faut bien te laisser découvrir quelque chose. Oh, je ne t'aurais jamais cru capable de me dire des choses aussi abominables. Caroline, avoue. Tu lui as demandé de t'épouser et l'a refusé. Oh, c'est faux. Jamais personne ne m'a insulté comme tu viens de le faire. Je te déteste, mon Dieu, je te déteste. Caroline, vieille fille venimeuse, jaloux. Oh, jaloux. Oui. Oh, il a pas le droit de faire les autres. Je voulais que l'on vienne, moi. Oh, non. Madame. Maître Oldham est là. Je ne suis pas là, Cooper. Il dit qu'il avait rendez-vous. C'est tout à fait exact. Faites-le monter, Cooper. Très bien, mademoiselle. Enfin, Maud, c'est moi qui vais demander de venir. Mais tu es abominable! Il fallait faire quelque chose. Vous ne pouvez pas en rester là. C'est simple, je ne le verrai pas. Il est là. Eh bien, débarrasse-toi de lui. Et toi, Isabelle, puisque tu le trouves si charmant, je te le laisse, lui aussi. En prime, oh, je ne tiendrai jamais sans t'avoir vu. Dites-lui pourquoi je l'ai refusé. Dites-lui que c'est parce qu'il ne tenait pas du tout à m'épouser. Dites-lui que l'on ne m'épouse pas par devoir. Je n'aurais jamais dû vous laisser seuls tous les deux. Bien sûr, il était un peu nerveux. Oh, nerveux, il l'était si vous aviez vu la quantité de whisky qu'il a avalé. Enfin, depuis 10 ans, Robert l'a idolâtré. Oh, tu es idiote, Isabelle. La seule chose que désirent profondément les hommes, c'est ce qu'ils ne peuvent atteindre. Je croyais, moi, que Robert était une exception. Aucun homme n'est une exception. Je ne sortirai pas de ma chambre avant qu'il ne soit parti. Notre chère Caroline est quelquefois définitive. Oh, elle devrait être plus tendre. Maître Oldham! Vous pouvez me donner un scotch, Cooper. Caroline n'est pas là, bonsoir. Que se passe-t-il? Au moment où je sortais du palais, mon secrétaire m'a remis un message me priant de venir ici d'urgence. C'est moi qui vous l'ai envoyé. Je ne suis pas contente de vous, Robert. Vous manquez d'esprit de suite. Il y a quelques heures, vous teniez absolument à m'embrasser. C'est pas le moment de plaisanter. Ah, non, charmant, je n'ai aucune envie de plaisanter. Votre conscience vous tourmente. Non, je n'ai pas dit ça. Je suis parfaitement à l'aise. Qu'avez-vous fait à Caroline? Moi? Tout à l'heure, quand nous sommes entrés ici, Isabelle et moi, pour la féliciter, nous avons trouvé Caroline complètement effondrée. Est-ce vrai, Isabelle? Oui, mon. Elle était en larmes. Sa femme de chambre nous a dit qu'elle s'était évanouie plusieurs fois. Il n'y a qu'à voir. Mon flacon de sel est vide. Est-ce vrai, Isabelle? Oui, mon. Nous avons envoyé chercher le docteur. Il était très inquiet. Ce sera un miracle, a-t-il dit, si elle échappe à la dépression nerveuse. Isabelle? Mon Dieu, oui. Alors je répète. Qu'avez-vous fait à Caroline? Rien, je lui ai demandé de m'épouser. Et elle a refusé, je sais. Ça ne vous a pas surpris? Comment surpris? J'étais abasourdi, je le suis encore. Vous n'avez pas compris? Comment? Depuis 10 ans, je ne pense pas à autre chose. D'un seul coup, elle a anéanti tous mes espoirs. J'en suis à me demander comment je continue à vivre. Alors pourquoi ne lui reposez-vous pas la question? Sa décision est irrévocable, et puis j'ai mon orgueil, après tout. Je ne tiens pas à m'exposer à pareille humiliation une seconde fois. Ridicule! Caroline a refusé parce que tout dans votre attitude criait que vous ne teniez pas à l'épouser. Comment? J'ai littéralement supplié. Vous avez fait votre demande comme quelqu'un qui accomplit son devoir. Une femme d'esprit comprend un demi-mot. Moi-même, je vous aurais refusé. Isabelle, chacun sait que Maud est une terrible menteuse. Dites-moi s'il y a un mot de vrai dans ce qu'elle m'a dit. Sensible, mon cher Robert, n'aime pas qu'on traite ce genre d'événement trop prosaïquement. Vous auriez dû ménager les transitions, lui faire un peu la cour. Je suis sûre que vous la faites si bien. Oui. Ce sont de petites nuances auxquelles une femme attentive est sensible, ainsi que moi. Quelle profonde intuition vous avez, Isabelle. Je sais que vous l'aimez, Robert. Oh, je l'adore, mais je me demande si elle se soucie vraiment de moi. Quelle idée! Les femmes sont fidèles, Robert. Oh, fidèles. Avec ma pratique du divorce, je sais que la fidélité n'est pas leur trait le plus marquant. Saviez-vous que Caroline était jalouse à cause de vous? Allons. Oh, elle était furieuse contre moi. Oui, je sais bien qu'aujourd'hui, Caroline n'est pas tout à fait elle-même, mais elle a été très méchante. Et tout cela parce que vous lui auriez dit, je crois, que j'avais de très jolis yeux noisettes. C'est la vérité. Mais c'est à moi qu'il aurait fallu le dire, Robert. Caroline, naturellement, a fort mal pris la chose. Suivez-moi, vous comprenez tout. Je crois que j'ai un don naturel de sympathie. Caroline est charmante, bien sûr, mais elle manque un peu de tendresse. Vous ne trouvez pas? Je dois dire que vous, en revanche. Isabelle. Je me demande si tu te rends compte de ce que tu es en train de faire. Ma chérie, j'aimerais que tu me laisses faire les choses à ma manière. Ça, je ne vois rien dans ce que tu viens de dire depuis 5 minutes qui puisse persuader Robert que son devoir est d'épouser Caroline. Son devoir? On croirait entendre le pasteur. Mais oui, vous l'avez compromise. On a beaucoup jasé sur vous deux. Il n'y a qu'une solution. Vous la devez à vous-même. Vous la lui devez à elle. Et vous la devez à nous. On s'en est là. Oui. Vous vous êtes comporté jusqu'à maintenant comme un gentleman, restez-le jusqu'au bout. Bien, parfait. Je vais voir Caroline. Viens, Isabelle. Robert, nous vous laissons avec votre conscience. Nous avons obéi à la nôtre. Au revoir, Robert. Coupez, voulez-vous parler à Mrs. Ashley si je peux l'avoir quelques minutes? Mrs. Ashley est occupée, monsieur. Très bien, j'attendrai qu'elle soit libre. Parfait, monsieur. Mrs. Ashley est souffrante, monsieur. Elle ne veut voir personne. Très bien. J'attendrai qu'elle aille mieux. Parfait, monsieur. Mrs. Ashley est morte, monsieur. Très bien. J'attendrai qu'elle ressuscite. Enfin. Dieu merci. À Cooper, madame, fermez la porte à double tour et mettez la chaîne de sécurité. Ne laissez entrer personne. Vous entendez personne. Parfait, madame. Personne. Votre message était si pathétique. Il a bien fallu que je vienne. Écoutez-moi, Caroline. Vous êtes très mal conduite en jetant toute la faute sur moi. Alors, franchement, vous n'aviez pas très, très envie de m'épouser. Non, pas très. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de flot de larmes, d'évanouissement et de hoquet de désespoir? Qui vous a dit cela? Maud, bien sûr. Elle m'a dit que vous étiez dans le coma, que c'est un miracle si vous échappiez à la dépression nerveuse. Et vous l'avez cru? Non. Je pensais que vous étiez en train de me jouer un coup. Pas du tout. Je supporte l'effondrement de mes rêves avec le plus grand courage. Écoutez, Caroline, il n'y a rien de se dissimuler. Il va falloir que nous nous marions. Il va falloir. Méfiez-vous, ça n'est que le commencement. Elles ne nous laisseront plus une seconde de paix. Tôt ou tard, elles nous y forceront. Alors, acceptons l'inévitable. Si je me marie un jour, ce sera pour moi, pas pour faire plaisir à mes amis. Ma chère, je possède une vaste expérience des raisons qui poussent deux êtres à se marier. Ils se décident par point d'honneur, ou par crainte de la vieillesse, ou par solitude, ou par ennui, ou pour l'argent, ou par snobisme. Ils se marient aussi quelquefois parce qu'ils ne peuvent plus résister à la délicate pression de leurs amis. Ou parce qu'ils craignent d'être laissés pour compte une fois pour toutes. Tous ces mariages-là peuvent réussir. Mais la seule raison qui infailliblement mène au désastre, c'est quand deux personnes se marient parce qu'elles le désirent. Vous ne dites cela que pour me rassurer. Là, vous croyez que Maud et Isabelle vont abandonner la lutte? Jamais. Tous vos amis viendront à la rescousse. Tous les miens se joindront à la chaîne. Ma petite fille, nous n'avons aucune chance d'y échapper. Eh bien, Robert, je combattrai jusqu'à ma dernière cartouche. C'est pour que nous en tirions, tous les deux. S'en tirer, mais je ne veux pas du tout m'en tirer. Vous savez que je vous suis très attaché, Caroline. Moi aussi, Robert. Je veux dire qu'au premier instant, l'idée de me marier m'a terrifié. J'allais devoir changer mes habitudes, en former de nouvelles. Je devais renoncer à ma liberté. Vous ne m'en voulez pas de vous parler aussi, franchement. Oh, mon cher, c'est exactement ce que j'ai ressenti moi-même. C'est pas que je veuille mener une vie de libertinage, mais j'aime me sentir indépendant. Vous savez, peut-être qu'une fois mariés, nous aurons des surprises. Lesquelles? J'ai connu un homme en Afrique du Sud, il était fiancé à une jeune fille en Angleterre. Au bout de 7 ans, il réussit à lui envoyer l'argent de son passage. Quand le bateau arriva à quai, le courage lui manqua. Il prit la première rue à droite et se sauva. La jeune fille le poursuivit jusqu'au Cap. Il s'enfuit à Johannesburg. Elle lui courut après jusqu'à Port Elizabeth. Il s'évada jusqu'à Lorenzo Marquez. Elle lui courut après du haut en bas du continent africain. Jusqu'au jour où elle le coinça dans une presqu'île. Et elle l'épousa sur le champ. Et bien depuis, c'est l'homme le plus heureux du monde. Ce n'est pas à vous, je pense, Robert, c'est à moi uniquement. Vous savez que dans une heure, Maud sera là, derrière cette porte. Le verrou est mis. Elle apportera un lit de camp, des sandwichs et une Bible. Mais Robert, c'est intolérable. Pouvez-vous faire quelque chose? Rien de plus que vous, je suis aux abois. Je ne voudrais tout de même pas vous demander de vous suicider. Mais c'est une chance, j'ai aucune envie de le faire. Vous ne voulez pas épouser Maud? Ah, ça alors, non, ça alors, je refuse. Robert, que pouvez-vous faire pour moi? Vous épousez. Allons donc, vous faites cela pour vous, sûrement pas non, pour moi. Écoutez, ça ne sert à rien de se disputer, nous aurons tout le temps une fois mariés. Rendez-vous compte que nous ne nous sommes jamais disputés une seule fois depuis tout ce temps que nous nous connaissons. C'est du meilleur augure pour l'avenir, reconnaissez-le. Mais je ne veux pas vous épouser, Robert. Allons, allons, allons, ma petite fille, un peu de courage. Pensez bien que je ne vous y pousserai pas s'il y avait une autre solution, mais je n'en vois aucune. Vous êtes sûr? Certain. Bon, eh bien, tant pis, c'est entendu. Bon, alors, autant terminer le plus rapidement possible. Nous ne ferions que reculer pour mieux sauter. C'est une chance que je ne sois pas fait rayer de mes clubs comme je le pensais. Pourquoi? J'y ai jamais mis les pieds jusqu'à maintenant, mais je sens qu'une fois marié... Vous croyez les clubs surtout destinés aux célibataires? Ah, pas du tout, les célibataires aiment beaucoup leur chez-soi. Ah oui, je vois, cela va faire un grand changement dans votre vie, Robert. Je suis un homme d'intérieur, mais ça me fera du bien qu'on bouscule un peu mes habitudes. Oh oui, vous avez passé pratiquement pendant 10 ans toutes vos soirées ici. Il vous sera salutaire de sortir un peu et de voir d'autres visages. Vous avez raison, Karine, nous encroutions. Il fallait quelque chose comme ça pour me secouer un peu. Ah, le passé n'était pas désagréable. Ah, vous pensez au petit souper que nous avions l'habitude de faire au Savoy après le théâtre. Ah. C'est agréable, non? Vous savez, Robert, je n'ai jamais perdu ce minuscule pincement au cœur que cela me donnait de venir dîner avec vous dans votre appartement. Au moment où j'ôtais mon manteau dans votre vestibule, j'avais toujours un certain frisson d'aventure. À propos, vous avez pensé à vous débarrasser de votre maison? Je ne veux pas me débarrasser de ma maison. Pourquoi? Nous n'aurons pas besoin de 2 maisons. Bien sûr. J'ai toujours pensé que vous vendriez la vôtre. Pourquoi donc? Je suis très attaché, je l'ai depuis 20 ans. Vous avez tout juste un bail pour la vôtre. Cela n'a rien à voir. Je viens de la redécorer, j'ai dépensé une fortune pour la salle de bain. Vous n'avez pas exigé de moi que je me baigne dans cette piscine surréaliste? Non. Désolée que vous n'aimiez pas ma piscine. C'est une question de goût. Non, moi, je me suis toujours demandé pourquoi les gens voulaient se baigner dans autre chose que du carrelage blanc. C'est propre, hygiénique, réconfortant. Oh, naturellement, votre cabinet de toilette ressemble à une station de métro. Je ne m'y vois absolument pas. J'aurais trop peur que pendant que je suis dans l'eau, quelqu'un ouvre la porte en me demandant « Vous descendez à la prochaine ?» Non, mais quand il soyez raisonnable. Il est évident que ma maison est infiniment plus agréable que la vôtre. Mais absolument pas d'accord. Bon, si vous en refusez tout systématiquement, j'ai rien à ajouter. J'affirme simplement que rien ne me fera quitter cette maison. Ah, ben, Caroline, réfléchissez, j'ai même pas une chambre ici, il n'y a pas une pièce que je puisse transformer en bureau. Mais il y a ce charmant petit cabinet derrière la salle. Oui, la fenêtre donne sur un mur. Eh bien, ce sera parfait, justement, rien ne viendra distraire vos réflexions. Enfin, vous m'avez dit vous-même que vous ne pouviez rien en faire, une chaudière en été, une glacière en hiver. Franchement, si vous n'avez pas plus d'affection pour moi. Oh, ce n'est pas une question d'affection, mais de bon sens. Votre maison est peut-être convenable pour un célibataire. Merci. Mais elle est absolument impossible pour une femme. D'abord, il n'y a pas de placard. Oh, écoutez, Caroline, vous suscitez des difficultés. Rien n'est plus facile que de faire poser des placards. Et quelle pièce avez-vous choisi pour mon boudoir? La cave à charbon? Pendant que je vous attendais il y a un instant, je refais le plan exact de notre arrangement. Vous aurez naturellement la meilleure chambre à coucher. Le soleil n'y donne pas, je sais. Caroline, c'est la chambre où est morte ma pauvre tante Charlotte. Oh, ça arrange tout. Je ne comprends pas votre attitude. Oh, c'est pourtant simple. Cette maison me satisfait entièrement. Je suis décidée à y rester. Mais vous avez de la chance que je sois l'homme le plus patient du monde. Il est de pratique courante qu'une femme vienne habiter chez son mari. Pourquoi? Comment pourquoi? C'est une des plus anciennes coutumes de la race humaine. Déjà dans la Bible, La femme doit tout abandonner et suivre son mari. Avant de citer la Bible, il vaudrait mieux que vous la lisiez. Caroline, je suis très étonnée par le ton que vous employez. Dieu sait pourtant que j'aborde cette discussion de la façon la plus conciliante. Venez de dire qu'on ne s'était jamais disputé. Eh bien, croyez-moi, ce n'est vraiment pas faute de m'en avoir donné des motifs. Bon, mais nous prenons cette conversation quand vous serez plus calme. Aujourd'hui, vous pourriez dire des choses que vous regretteriez. Bon, ce n'est pas en le prenant de haut que vous m'impressionnerez. Je n'ai aucun désir de reprendre cette conversation. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Caroline, je ne vous épouserai pas, moins que vous me consentiez à venir chez moi. Parfait, la question est réglée. Méfiez-vous, je vous ai demandé votre main deux fois, je ne ferai pas une troisième. Oh, soyez rassurés, je ne vous épouserai pas, même si vous veniez me le demander, à genoux sous l'appui de la tour de Londres à Buckingham. Bon, alors parfait, alors n'en parlons plus. J'étais prête à me sacrifier, mais c'est vraiment trop que d'exiger tous les sacrifices de la même personne. Sacrifice? Moi qui vous épousais par bonté d'âme. Oh, à quoi ai-je échappé? Caroline, je vous connais depuis 10 ans. Pour la première fois, vous venez vous révéler sous votre aspect réel. Eh bien, moi, j'ai toujours su que vous étiez égoïste, Eva. D'ailleurs, la première fois que je vous ai vu, je vous ai trouvé parfaitement antipathique. On devrait toujours se fier à ses premières impressions. Alors, pourquoi vous êtes-vous jeté à ma tête, comme vous l'avez fait? Je ne vous aurais même pas accordé un regard si vous ne m'aviez assommé de vos assises. Vous ne vouliez pas me faire de peine. Non. Mais je savais que vous étiez inoffensif. Rien de plus ridicule pour un homme. Caroline, plus jamais je ne vous adresserai la parole. Vous pensez tout de même pas que je vais vous revoir? Bon, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Si, seriez-vous le dernier homme au monde, j'en prendrais un autre. Caroline, si je devais choisir entre la pendaison et le mariage, je choisirais le gibet. Alors adieu. Bon débarras. C'est Maud. Je l'avais oublié, celle-là. Cooper ne répond pas. Elle m'a fait sortir. Qu'est-ce que je fais? Répondez. Moi, je m'en vais. Lâche! Répondez. Mais répondez vous-même. Après tout, vous êtes un homme. Je n'en serai jamais. Oh mon Dieu, faites quelque chose pour arrêter cette sonnerie. Il n'y a qu'une chose à faire, décrocher le récepteur. Oh, pourquoi je fais poser le téléphone? Je l'ai toujours détesté. Qui? Maud. Oh, c'est une femme terrible. Je me demande comment vous avez pu la supporter. Oh, je la hais! Oh, arrêtez ce téléphone! Caroline. Oh, faites-le, décrochez le récepteur. Si jamais vous m'avez aimé, faites-le. Bon, alors, j'y vais. Ah! Oh! Oh, ne me laissez pas, Robert. Non, je ne vous laisserai pas. Oh, merci. Je ne l'oublierai jamais. Je dois penser que nous écoutons. Elle parle sans prendre haleine. Elle doit être rouge de colère. Je me demande ce qu'elle est en train de dire. Vous ne le devinez pas? Oh oui, le verrou est mis, mais elle sera tout de même là dans 10 minutes. C'est Caroline, ça. Ça ne sert à rien, il faudra finir par nous marier. Je le sais. Mais il y a peut-être une solution à laquelle nous n'avons pas pensé. Cherchez, Robert, cherchez. Je n'en vois qu'une. Libérer nos deux maisons et en prendre une troisième. Mais j'aime ma maison, Robert. Et moi la mienne. Ce sera un désastre pour tous les deux. Notre premier sacrifice commun. Dites-moi, Robert... Vous me permettrez de décorer la nouvelle maison? Oui. Tout sauf la salle de bain. Je vous le demande comme cadeau de mariage. J'ai trouvé. Nous aurons chacun une salle de bain. La vôtre sera comme une station de métro. Et la vôtre comme une tranche napolitaine. Bon. Eh bien, s'il faut s'exécuter, autant le faire tout de suite. Mais vers 3-14. Bon, je vais passer au club Peterson, y est sûrement. Il a une grande expérience de ce genre de choses. J'ai tout intérêt à lui demander conseil. L'agence immobilière. Je voudrais mettre ma maison en location. Voulez-vous envoyer quelqu'un? Si, tout de suite. Chez Mrs. Ashley. Regent's Park. Vous serez là avant le dîner, Robert? Bien sûr. Et vous pensez pas que ce serait un peu triste de dîner seul, tous les deux? Oui, peut-être. Pourquoi ne pas inviter Isabelle? Rex Cunningham dîne avec elle ce soir. Voulez-vous Que je les invite tous les deux. Parfait. Nous ferons un bridge. Ce sera très gai. Bon, eh bien, je vais faire une réussite. Oui, ça vous changera les idées. Bon. Robert. Oui. Ce que j'aime, ce sont les émeraudes. Bon, vous avez bien fait de me le rappeler.